Votre émission en balado débutera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Les balados sont écoutés par des personnes dynamiques, ouvertes d'esprit, qui savent à chaque moment ce qu'elles veulent. Tout comme vous, les employés du cabinet comptable Mallette les écoutent. Venez vous joindre à nous, comme clients, comme employés. Vous savez comment nous trouver. Mallette comptable. Votre émission en balado débute dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Indiana Jones, la grande trilogie des années 80 de Steven Spielberg. Ce film-là, c'est les montagnes russes. Hein? C'est comme un cartoon. Il ne peut plus escalader la falaise, il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien après la wagonnette. Il y a l'eau. On est en avion, il n'y a plus d'essence. Et il trouve quelque chose. Et c'est ça, son génie. Tout est dit dans ce court extrait de l'émission Les Belles Heures où Minou Petroski résume admirablement bien l'esprit de la série des Indiana Jones du réalisateur Steven Spielberg au moment de la sortie du deuxième film de la trilogie originale des années 80 en 1984. Le succès de cette trilogie sera si grand qu'Indiana Jones va devenir le personnage de cinéma préféré des Américains selon un sondage mené par le magazine américain Empire en 2015. Indiana Jones est de retour dans le troisième épisode de ses aventures rocambolesques, un film où l'archéologue athlétique se met cette fois à la recherche du Graal, ce fameux calice qui aurait servi à recueillir le sang du Christ en croix et qui assure la vie éternelle à ceux qui y boivent. On le voit, Spielberg ne s'encombre pas de vraisemblance dans ses intrigues et celle-ci est véritablement tordue. Mais on ne va pas voir ces films pour leur vraisemblance, mais pour la façon unique qu'a le réalisateur de nous faire avaler ces histoires. The Last Crusade nous présente d'abord Indiana Jones alors qu'il était jeune scout, puis arrive son papa, archéologue lui aussi, incarné par l'ancien James Bond, Sean Connery. Our situation has not improved. Le troisième épisode, produit par George Lucas, le père de Star Wars, contient plus de scènes d'action que cinq James Bond réunis. À partir des premières images et pendant plus de deux heures, le rythme ne fléchit pas. Spielberg règle une fois de plus ses comptes avec des nazis d'opérette, envoie ses personnages dans des fosses à serpents, dans des égouts grouillants de rats, les fait voyager de New York à Venise, les écrase sous les chenilles d'un char d'assaut, les écrabouille presque et les fait exploser en bateau. Extrait d'un reportage de Paul Toutan au Montréal ce soir du 24 mai 1989, au moment où sort le troisième film de la série des Indiana Jones, Indiana Jones et la dernière croisade. Pour nous parler de cette trilogie originale des Indiana Jones dans les années 80, je reçois la critique de cinéma Hélène Faradji, qui est édimestre de la section cinéma du site radiocanada.ca, qui anime également le balado plein écran sur Ici Première. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. Quelle importance, quelle place occupe cette trilogie des Indiana Jones dans le cinéma américain, mais je pense qu'on peut dire plus particulièrement dans le cinéma d'aventure américain. C'est une place assez unique parce que ce qu'ont réussi Spielberg et George Lucas, on l'entendait dans les extraits, Lucas est producteur et scénariste de la trilogie, ils ont réussi à imposer un renouveau du cinéma d'aventure parce que ce cinéma-là, il existait dans les années 30, 40 à Hollywood, on pense à toute la série des Tarzan, etc. Mais il était tombé un petit peu en désuétude parce que c'était un cinéma qui coûtait très cher, évidemment, et aussi parce que le public s'était un peu lassé de ce côté exotisme de pacotille qui restait encore un peu là dans les James Bond, par exemple, mais qui avait un peu déserté le cinéma populaire. Et Lucas et Spielberg ont vraiment réussi, ouais, à redonner du tonus à tout ça, que ce soit par l'ajout d'un acteur extrêmement populaire, par une façon de réaliser extrêmement tonique. Bref, ils ont réinventé, mm-hmm, d'une certaine façon le cinéma d'aventure. Ils se font plaisir parce que, oh oui, c'est les gamins, en fait, qu'ils, ouais, ont été, hein, qui ont aimé ce cinéma d'aventure dans la grande tradition hollywoodienne, qui veulent tout simplement faire un film qu'ils aimeraient voir eux-mêmes. Ah oui, tout à fait. Ils l'ont dit très, très souvent en entrevue tous les deux, qu'ils avaient envie de rendre hommage à ce cinéma qu'eux aimaient quand, oui, ils étaient enfants. Et c'est d'ailleurs une des grandes caractéristiques du cinéma de Spielberg, c'est que c'est un cinéma extrêmement familial. C'est-à-dire, c'est toujours des films qu'on peut voir ensemble, qui ont cette volonté de rassembler autour d'un spectacle tous les gens d'une même famille ou plusieurs générations génération, ce qui est quand même assez rassembleur par rapport à d'autres auteurs américains qui vont avoir un public plus précis, plus niché. Ouais. Ouais. Parlons de ce duo d'enfer, mm-hmm. en fait, parce qu'on ne peut pas faire l'histoire de ce film sans rappeler l'importance qu'ils ont, ces deux, Spielberg et Lucas. C'est fou, en fait. Ils se rencontrent en 68 tous les deux lors d'un festival de courts-métrages à Los Angeles. Spielberg trouve que le court-métrage de George Lucas, THX 1130, qui va devenir un film, évidemment, est extraordinaire. Ils se lient d'amitié, mais sans trop encore savoir qu'ils vont être les rois d'Hollywood mm-hmm. dans pas très longtemps. Et tout ça se passe à un contexte où le grand Hollywood classique est tombé en désuétude. Donc les grands studios sont sur le point de péricliter ou ont déjà fait faillite. Et toute une nouvelle génération d'acteurs, d'auteurs, de producteurs s'emparent d'Hollywood et font un cinéma beaucoup plus libre, beaucoup plus audacieux, qui essaye beaucoup de choses, avec beaucoup de contre-culture, d'un cinéma plus politique. Et Lucas et Spielberg vont faire partie de la deuxième vague de ce nouvel Hollywood, avec Scorsese, avec De Palma, qui vont se réapproprier un cinéma peut-être plus populaire, un cinéma de genre très souvent. Par exemple, Spielberg va faire Duel, il va faire Les Dents de la Mer surtout, et George Lucas va faire évidemment Star Wars. Donc en 77-79, ces deux gars-là sont les rois d'Hollywood, mm-hmm. du nouvel Hollywood. Et en même temps, ils vont le détruire, ce nouvel Hollywood, parce qu'ils vont réintroduire l'idée du profit, de la rentabilité, d'une certaine commercialisation du cinéma. Et donc, dans ce contexte-là, ils viennent de réussir des succès majeurs. Lucas va se reposer à Hawaï pour se remettre un petit peu de la folie de Star Wars. Et Spielberg vient aussi. Et ils sont sur une plage et Lucas demande à Spielberg « Mais toi maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Et Spielberg lui répond « Moi, j'aimerais faire un James Bond. » Et Lucas lui dit « Ah, je pense pas que c'est tout à fait ce qu'il faudrait que tu fasses. Moi, j'ai une idée. C'est Indiana Smith. » À l'époque, il s'appelle encore comme ça. C'est une idée sur laquelle George Lucas travaille depuis 73, qui n'avait pas fonctionné parce que le scénariste avec qui il travaillait était parti travailler pour Clint Eastwood, parce que Star Wars était arrivé. Donc, toutes sortes d'événements ont fait que le film n'a pas existé à ce moment-là. Mais Spielberg trouve l'idée très, très intéressante de cet aventurier archéologue. Il y a un petit peu de James Bond là-dedans, il y a de l'aventure, il y a beaucoup de défis, et puis il y a ce goût du cinéma d'aventure qu'ils ont tous les deux. Et très rapidement, à cause des succès qu'ils ont, ils arrivent à convaincre Paramount qui leur signe un contrat pour 3 films. Parce que justement, ça c'est fabuleux, cette trilogie-là, c'est devenu un classique, la trilogie originale des années 80, mais dès le départ, c'est conçu pour être une trilogie. Paramount veut ces 3 films. Tout à fait, Paramount a décidé de miser sur le succès de ces jeunes loups-là et donc a compris qu'il y avait probablement beaucoup, beaucoup de profit à faire en tout de suite commandant 3 films. Parlons d'Harrison Ford. On ne peut pas non plus faire l'histoire de cette trilogie sans parler d'Harrison Ford. C'est lui qui incarne Indiana Jones. D'abord, comment Lucas et Spielberg en viennent à lui offrir le rôle à lui? Alors, en fait, au départ, Spielberg veut Harrison Ford. Pour lui, c'est très clair. Il faut ce charisme-là, un petit peu, avec ce sourire sardonique, cette allure qui a l'air de s'en ficher un petit peu. Mais George Lucas a peur parce que c'est évidemment Han Solo. C'est lui qui interprète Han Solo dans Star Wars. Et George Lucas se dit, on n'arrivera pas à différencier les deux, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Et ils se mettent d'accord pour engager Tom Selleck. Ah bon? Tom Selleck, qui à l'époque est la vedette donc de Magnum P.I., cette série de détectives qui commence à peine. Sauf que le temps que les choses se fassent, la série Magnum P.I. devient extrêmement populaire. Et les producteurs refusent de laisser partir Tom Selleck pour qu'il aille jouer Indiana Jones. Et donc, on revient à l'idée de base. Et Spielberg réussit à convaincre George Lucas que Harrison Ford sera une bonne idée. Et c'est un coup de maître au final, parce qu'il apporte énormément. Le succès de cette série-là, c'est aussi celui d'Harrison Ford. C'est absolument celui d'Harrison Ford. C'est aussi l'attirail qu'on lui a donné, c'est-à-dire le fouet, le chapeau, le blouson en cuir, qui sont devenus des artefacts de musée. Le chapeau a été donné au Smithsonian, le fouet a été vendu aux enchères pour l'Institut archéologique de Londres. Bref, ce sont vraiment des éléments archétypiques. Mais je pense que Harrison Ford a compris quelque chose, c'est qu'il interprète ce Indiana Jones comme pouvaient interpréter les grands héros de l'ancien temps, c'est-à-dire les Clark Gable, les Errol Flynn, les Humphrey Bogart. Il est dans ce genre d'interprétation, donc à la fois très viril, mais en même temps plein d'humour, très idéaliste, avec beaucoup de noblesse. C'est quand même quelqu'un qui se bat pour que les objets d'art retournent dans les musées, pour qu'on ne fasse pas commerce des œuvres d'art. Beaucoup d'humour aussi, un courage assez exemplaire, sauf quand il y a des serpents. Mais bref, c'est une certaine idée du héros à l'ancienne. Ouais. Et là encore, c'est cette espèce d'hommage qu'on veut faire, que Lucas et Spielberg, dès le départ, veulent faire à cette grande tradition hollywoodienne. Il l'incarne très bien, il comprend très bien cet esprit-là, Harrison Ford. C'est un succès phénoménal. Les trois films qui vont donc sortir dans les années 80 vont connaître un immense succès. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique un tel succès? On écoute Minou Petrovski à l'émission Les Belles Heures en 1984 et tout de suite après, Georges Hébert-Germain à l'émission Coup d'œil en 1984. Toujours, ils parlent tous les deux du deuxième film de la série, Indiana Jones et le Temple maudit. En fait, ce film-là, moi je dirais, peu importe l'histoire, parce qu'il s'en va toujours à la recherche. Il est toujours en train de chercher ou des pierres, j'allais dire, ou des briques. Mais enfin, c'est toujours des pierres qui ont une signification profonde, un peu comme la pierre philosophale. Et il s'en va dans les temples, remettre la justice. C'est un justicier, mais c'est un anti-héros. D'abord, il est myope. Hein, un héros qui est myope, ça fait drôle. Il a des lunettes. Et pour traverser les montagnes, les falaises, tomber d'avion, se retrouver accroché, je ne sais pas, à une liane... C'est drôle, il ne perd pas son chapeau, il ne perd pas son pantalon, il ne perd pas ses lunettes non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que Spielberg renoue avec le cinéma spectaculaire. Tout est serré, tout est monté d'une façon extrêmement rapide. C'est du cinéma de divertissement. Et c'est ça, je pense, que le génie de Spielberg, c'est de nous dire, bon, comment il va se débrouiller pour faire avancer son récit. Et maintenant, c'est comme un cartoon. Il ne peut plus escalader la falaise. Il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien après la wagonnette. Il y a l'eau. On est en avion. Il n'y a plus d'essence. Et il trouve quelque chose. Et c'est ça, son génie. Alors, c'est très cinématographique. C'est très littéraire, en sens que Spielberg, qui a dévoré sans doute tout le cinéma américain, le cinéma français, le cinéma italien, qui connaît beaucoup, beaucoup le cinéma, nous met toujours dans ses films des références. Alors, Harrison Ford, son personnage, Indiana Jones, c'est-à-dire qui est joué par Ford, ressemble à tous les héros des films et des romans d'aventure qu'on a connus par la télévision et qu'on connaît par le cinéma. Mais ce que fait Spielberg, c'est qu'avec les effets spéciaux dont il dispose, il peut rendre chacune des aventures ou chacune des prouesses que doit accomplir son héros encore plus spectaculaire et plus percutante. Ça n'arrête jamais, jamais, jamais, sauf peut-être dans les cinq premières minutes. C'est un peu plus tranquille et on a l'impression que le film va être sur un ton assez différent de celui des autres films de Spielberg. Ça va être un film tranquille, presque idyllique. Et c'est pas ça du tout, ça n'arrête pas. Chaque fois que le héros s'assied à quelque part, il y a ou une tarentule, ou un serpent, ou une épée qui pend, ou qui monte, ou le canon d'un fusil qui arrive à côté. Qu'est-ce qui explique le succès énorme que va avoir cette trilogie, Hélène Faradji? Qu'est-ce qui fait le génie de cette trilogie? Je pense que ça repose sur des choses assez simples qui sont à la base du cinéma. C'est-à-dire d'abord la lisibilité quasi absolue de la mise en scène. Oui, c'est monté rapidement, mais ça reste quand même des films qui sont extrêmement faciles à regarder, qui sont très digestes, où l'action est mise de l'avant par une mise en scène très spectaculaire. On court vite, mais on nous prend quand même Exactement, par la main. Exactement, on nous prend par la main. Je pense qu'il y a aussi évidemment le charisme d'Harrison Ford qui a fait pour beaucoup dans le succès de la trilogie. Et puis, il y a ce que je disais un peu au début, c'est que c'est un divertissement familial. Ouais. C'est-à-dire que à l'époque comme aujourd'hui, c'est des films qu'on peut regarder avec les plus jeunes, les adolescents, qui vont avoir une capacité d'émerveiller les plus petits comme les plus grands. Et puis, on a aussi, je pense qu'on peut le noter, un certain goût pour l'exotisme. C'est toujours des films dans lesquels on se balade, on va en Chine, en Asie, en Inde, on va voir toutes sortes de paysages absolument magnifiques, des jungles luxuriantes. C'est toujours très, très beau, très, très agréable à voir. Donc, c'est des ingrédients presque fondamentaux du cinéma d'aventure, mais qui fonctionnent très bien et que Spielberg a su renouveler avec, que ce soit la composition numérique, que ce soit le montage un petit peu plus rapide, que ce soit des blagues qui résonnent peut-être un petit peu plus facilement avec un public plus jeune. Bref, c'est un mélange de classicisme et de modernité qui fonctionne. À merveille. merveille. Alors, comment ils se comparent, ces trois fameux films? On va quand même prendre le temps de dire un mot de chacun des trois films. Commençons par Indiana Jones, le premier, L'Arche perdue, qui sort en 81. Qu'est-ce que ça raconte, ce film? Alors, c'est Indiana Jones qui doit retrouver l'Arche perdue, que poursuivent aussi les nazis. Donc, il y a toute une aventure qui s'ensuit. Oui, déjà, l'Arche qui doit permettre l'invincibilité. Donc, c'est pour ça que les nazis veulent la trouver. Et là, petite chose intéressante, c'est que la trilogie n'en est pas tout à fait une. Parce que cet épisode-là, le premier, se passe en 1936. Ouais. Mais le deuxième, en fait, se situe en 1935. Donc, c'est comme si on avait fait un prequel dès le deuxième épisode. Mm-hmm. Ils inventaient déjà ça à l'époque, alors que maintenant, c'est devenu la mode. Donc, le deuxième nous ramène un petit peu en avant. On s'en va en Inde, où une communauté, un petit village, survit grâce à une pierre étrange qui permet à la nature de leur donner tout ce dont ils ont besoin. Et cette pierre est dérobée par un méchant Maharaja. Donc, Indiana Jones va être sommé d'aller essayer de la retrouver. Le deuxième. Oui, très sombre. C'est un culte païen extrêmement étrange. C'est peut-être le film le plus effrayant. D'ailleurs, Spielberg, lui, ne l'aime pas. Ouais. Ce film-là, il a dit « J'étais pas du tout satisfait. Je trouvais le film trop noir, trop souterrain, beaucoup trop horrifique. Il n'y avait rien qui me soit personnel là-dedans. » Et en fait, après, il a expliqué qu'il avait regretté d'avoir suivi les conseils de George Lucas, qui lui avait fait ça. C'est-à-dire que pour sa trilogie de Star Wars, le deuxième épisode était effectivement plus sombre et plus tragique. Alors que le troisième, ce sera, pour Spielberg entre autres, le grand film de la réconciliation, si on veut. Indiana Jones est en quête du Graal, la recherche la plus importante de sa vie. Mais pour certaines aventures, un seul Jones ne suffit pas. Oui, père. Junior. Je vous en prie, ne m'appelez pas comme ça. Suivez-moi, je connais le chemin. Une course au travers des trois continents. Alors maintenant, ils ont mon plan. Et dans ce genre de course, il n'y a pas de médaille pour le second. Accrochez-vous, on va se poser. Qui les mène au cœur du pays ennemi. Les nazis. Je hais ces gars-là. Alarme ! Notre situation n'a pas l'air de s'améliorer. Dans sa quête du Saint Graal. Comment osez-vous m'embrasser ? Alors, il l'aura, finalement. Pour revenir à ce qu'on disait au tout début, Hélène Faradji, Steven Spielberg l'aura son James Bond. Oui, tout à fait, puisque c'est Sean Connery qui va être appelé à interpréter le père d'Harrison Ford, donc le père d'Indiana Jones. Je crois que c'est peut-être le film le plus réussi de la trilogie. D'abord, qui commence en 1912, où on découvre le jeune Indiana Jones. Et on va comprendre pourquoi il s'appelle Indiana Jones. C'est le nom du chien, donc tout va s'expliquer. On va suivre ensuite, en 1938, ses aventures à nouveau contre les nazis, qui cette fois essaye de retrouver le Saint Graal, le fameux Saint Graal. Et je pense que là aussi, on peut trouver des explications du succès de la trilogie, c'est que le bien et le mal sont très clairement identifiés. Ouais. C'est-à-dire que les méchants sont très méchants, c'est les nazis, les gentils sont très gentils. C'est manichéen, oui, certes, mais ça fonctionne très bien, surtout pour un film d'aventure comme ça. Et puis dans celui-ci, il y a une petite touche en plus qui a souvent été racontée par Spielberg, c'est que Spielberg avait beaucoup, beaucoup de problèmes relationnels avec son propre père, qui a été souvent absent, qui a forcé beaucoup, beaucoup de déménagements dans la famille Spielberg. Et d'une certaine façon, le fait de régler ses comptes avec son propre père à travers la figure du père imaginé pour Indiana Jones permettait peut-être une sensibilité ou une profondeur émotive un petit peu plus grande que dans les autres films. Ces trois films, cette trilogie, en partie, le succès de cette trilogie repose en partie sur cette grande tradition dont s'inspire Spielberg et Lucas. C'est du grand cinéma d'aventure, du grand cinéma de divertissement, avec les forces que ça a, avec les défauts, les bémols que ça peut avoir aussi. Et vous me voyez peut-être venir, mais évidemment, quand on parle de cette trilogie des Indiana Jones et qu'on s'intéresse aux personnages féminins, on tombe un petit peu dans le cliché. Rien ne me choque, moi. Je suis un scientifique. Quel genre de recherche feriez-vous sur moi? Activité nocturne. Ma position favorite pour dormir. Fréquence des rapports. Parce que vous faites autorité en la matière. J'ai des années d'expérience pratique. Il y a une chose que tout le monde a remarqué dans ce film-là, c'est le rôle que joue la fille, qui est vraiment... ça véhicule vraiment toutes les valeurs sexistes les plus choquantes, et je pense que c'est voulu. Son héros, Indiana Jones, est tout-puissant, il résiste à toutes les tentations, il résiste aussi à tous les ennemis, il se défait de tous ses ennemis, et il traîne presque par la chevelure cette belle fille partout, qui est impuissante, qui se laisse faire, et qui, à la fin, bien, embrasse son beau héros. Il vaudrait mieux que vous dormiez près de moi. Oh, par sécurité, bien sûr. Docteur Jones, un serpent me paraît moins dangereux que vous. Sur un extrait du Temple maudit, le deuxième film de la série, vous entendiez Georges Hébert Germain à l'émission Coup d'œil en juin 1984. Que dire de la place que les femmes occupent dans cette trilogie d'Indiana Jones? Alors, elle est très variée parce que le premier film, on a ce personnage de Marion qui est l'ancienne flamme de Indiana Jones, qui est comme lui... une aventurière qui se bat vraiment sur le terrain des hommes. Elle fait un concours. Au moment où on la découvre, elle va faire un concours de boissons avec toutes sortes de d'ivrognes dans un bar qu'elle va gagner. Mmh. Elle est extrêmement déterminée, courageuse. Elle a pas du tout besoin d'Indiana Jones. Et c'était un personnage un peu à la princesse Leia, donc qui montrait une certaine égalité de l'homme et de la femme. Et dans le premier épisode, je pense qu'il n'y a aucun souci à avoir. Le troisième, on avait la grande figure de la traîtresse, donc qui au départ est séductrice, mais va finalement trahir le héros. C'est un héritage de la femme fatale du film noir, donc très classique aussi. Le personnage qui pose plus problème, c'est dans le deuxième film, cette danseuse de cabaret qui va se retrouver, malgré elle, embarquée dans l'aventure d'Indiana Jones. D'ailleurs, petite anecdote, c'est Kate Capshaw qui la joue et elle va devenir la femme de Steven Spielberg. Et après ça, elle ne jouera plus. Et effectivement, elle a ce rôle de blonde un peu écervelée qui crie fort, qui fait capoter toutes les tentatives d'Indiana Jones pour se sortir de tel ou tel piège. Ceci dit, elle est aussi un des moteurs comiques du film. C'est-à-dire que quand on regarde le film, on comprend qu'elle est là pour alléger un petit peu le côté très aventurier ou aventureux de tout ça. Elle est celle qui hérite des répliques les plus comiques. Elle est celle qui introduit la comédie physique dans le film. Donc, par exemple, elle est sur son éléphant. Il va y avoir toutes sortes de jeux avec ça. Elle est, d'une certaine façon, l'héritière des grandes héroïnes de la screwball comédie classique américaine des années 30-40. Donc oui, on a peut-être un petit peu forcé le trait, mais en même temps, c'est aussi une place réservée à la femme qui n'est pas si habituelle que ça. Mm-hmm. Il faut dépasser ce qu'on peut percevoir dans un premier coup d'œil. Voilà, c'est vrai que rapidement, elle peut avoir l'air un peu hystérique et énervante, mais si on la regarde attentivement, elle est tout de même un personnage intéressant. Oui. On a décidé sciemment de faire l'histoire des trois films de la trilogie originale des années 80. Il y aura un quatrième film en 2008. Et puis, on dit même qu'il y aura un cinquième film en 2020. C'est dans les plans. Spielberg a commencé à parler de ça il y a quelques années. Normalement, le tournage devrait commencer cette année. Le film devrait être fini en 2020. On en sait pour l'instant très peu. Tout ce qu'on sait, c'est que Spielberg a laissé croire que peut-être que Indiana Jones deviendrait une femme. Ah bon? Peut-être. Ça, c'est dans les plans. À suivre. Et la seule chose dont on est sûr, c'est que John Williams composera la musique. Donc, voilà. Hélène Faradji, on va attendre donc ce cinquième opus. Hélène Faradji est dit maître de la section cinéma du site radiocanada.ca, animatrice du balado Plein écran sur ICI Première. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.